I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, c'est pas un billet de papier, c'est une pierre tombale, 6 000 hauteurs, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très, très terrible. Que se passe-t-il lorsque, un jour, on décide de garder un livre pour plus tard, qu'on le rajoute à notre pile, qu'elle soit physique, et donc on empile, ou mentale, on empile mentalement un livre de plus. Nous sommes absolument certains que ces livres seront lus, évidemment, mais il se passe que, d'un jour à l'autre, d'autres livres se rajoutent, et certains finissent en dessous de la pile. Seront-ils un jour lus ? Personne ne le sait. De quoi est faite cette projection concernant les livres que nous n'avons pas encore lus ? C'est, en partie, le sujet de cet épisode. Au sommaire, apprendre des choses, la découverte d'un genre littéraire, alimenter sa bibliothèque de choses qu'on lira un jour ou l'autre, et l'ouverture d'un carton mystère. Épisode 4. Bill Gay. Alors, on est dans ma chambre, et donc ma bibliothèque, c'est ce petit meuble derrière ma porte. C'est le seul endroit où j'ai pu la caser, parce que sinon il y a un grand lit double au sol, c'est plutôt un matelas sur un sommier en fait, et en face de la porte, il y a une commode assez vintage, avec tous mes vêtements. Au-dessus, j'ai toute une collection de jeux de société. Et au mur, il y a les guitares accrochées de part et d'autre de la cheminée. Et sur la cheminée, j'ai aussi quelques livres. C'est plutôt des grands livres ou des... Ouais, les beaux livres, je sais pas trop comment on dit ça. Des livres volumineux. Voilà. Et j'ai les derniers livres que j'ai reçus sur mon bureau aussi. C'est des cadeaux... que j'ai eu à mon anniversaire. Que dire ? Dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres que j'ai pas lus, en fait. Et sinon, la plupart des livres que j'ai lus, c'est... parmi les livres que j'ai lus, c'est globalement mes préférés. C'est ceux que je conserve. Les autres, en général, j'ai tendance à les refiler... à ma sœur, à mes parents, à des amis. Mais je garde vraiment précieusement ceux qui m'ont vraiment touché, je dirais. Et en fait, ouais, j'ai énormément de livres que j'ai pas lus dans ma bibliothèque parce que c'est un peu une manière de me forcer à psychologiquement à faire face à ces livres qui m'attendent. La plupart des livres que j'ai ici sont des livres que j'ai obtenus via mon père, parce qu'il est brocanteur. Et du coup, il débarrasse des maisons, des choses comme ça, et du coup, il se retrouve avec plein de livres. Et il y a un moment où j'habitais dans un appartement pas loin de sa boutique, et je passais presque tous les soirs checker ses nouveaux livres, et je repartais avec ce qui me plaisait. Ouais, je dirais que sinon, en termes d'organisation, ça a l'air rangé comme ça. Il y a un peu les petits livres, j'aime beaucoup les petits livres des éditions, c'est quoi, c'est les éditions Mille et Une Nuits. J'en ai une bonne collection là, je sais pas, une quinzaine. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Khalil Gibran. On a 3 exemplaires, il y a Épicure, Oscar Wilde, c'est généralement des tout petits livres. Khalil Gibran, il y en a 5. C'est plutôt soit des extraits, soit de la poésie. Donc par exemple là, il y a Stendhal, c'est Vanina Vanini, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais lu. Mais en fait, j'aime beaucoup cette édition, donc je les collectionne un petit peu. Il y a par exemple une nouvelle de Kafka, il y a Sappho, Oscar Wilde, des aphorismes, Pascal, Discours sur les passions de l'amour, Sade, Épicure, encore Sade. Et il y a, en fait, c'est dans cette édition que sont éditées les petites histoires de Jean-Baptiste Boutulle, ce philosophe, enfin ce chercheur plutôt rendu connu grâce à Bernard-Henri Lévy. Donc là, c'est Nietzsche et le démon de midi. C'est vraiment drôle à lire et en même temps, il y a du sens. Enfin, il dit des choses plutôt malines et c'est plutôt sourcé, enfin plus ou moins, on va dire. Après, c'est du pastiche un petit peu, mais c'est drôle à lire, franchement, je recommande. J'avais aussi la métaphysique du mou, je crois. C'est aussi de lui. Ça parle plus de Kant, il me semble. Je l'avais offert à une amie. Voilà. Donc là, en fait, ouais, j'ai organisé un petit peu ce compartiment par taille. Après, j'ai des très beaux livres là que j'ai récupérés de la boutique de mon père. J'aime trop les reliures comme ça. Donc il y a Gogol, le journal d'un fou. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'histoires que ça, hein. La terrible vengeance, le nez, le manteau. Bon, il y a plein d'histoires et en plus, il y a des belles illustrations. Et c'est le genre de livre que j'ouvre même pas de peur de les abîmer en fait. Mais j'aime beaucoup les avoir dans ma bibliothèque. Et du coup, l'autre, c'est Les Contes Nocturnes de Hoffmann, que j'ai aussi en édition bilingue, parce que je me force un petit peu à lire en allemand. Ça fonctionne. Ça marche par période, on va dire. En fait, j'ai lu pas mal en allemand quand je voulais améliorer mon niveau, quand j'étais en prépa. Je lisais surtout Kafka sur ma liseuse en fait. Comme c'est des livres qui sont libres de droit, bah, je les téléchargeais et en plus j'avais un dictionnaire intégré. Donc dès que je tombais sur un mot que je comprenais pas, c'était très facile. Et ça m'a bien permis de peut-être pas de m'améliorer, mais en tout cas de garder un certain niveau en allemand. Et là, ça fait quelques années que j'ai pas reproduit l'expérience. Parce que tu n'en as pas la nécessité. Je faisais pas vraiment ça. Enfin, c'est vrai que oui, en prépa, je faisais peut-être ça par nécessité, mais j'ai continué un peu après la prépa, vraiment juste par plaisir. Parce que il y a beaucoup d'auteurs allemands que j'aime et je préfère lire dans le texte. Mais non, en fait, c'est plus, je dirais, que mon rythme de lecture a drastiquement réduit. Et du coup, bah, ça a pâti aussi, quoi. Ça fait, pour être honnête, ça fait, ouais, depuis que, je sais pas, depuis que j'ai arrêté les études, enfin, j'ai fini les études plutôt, vu que je travaille, je lis beaucoup moins, beaucoup plus lentement. Et puis, en fait, j'ai plein de projets un peu annexes qui me paraissent plus prioritaires. Donc, j'ai tendance à passer plus de temps dessus qu'à la lecture. Et du coup, cette bibliothèque me juge en permanence. Mais bon, je pense que je suis loin d'être le seul dans cette situation. Oh non, je pense qu'on est toujours tous un peu jugés par ce qui nous accable en termes de lecture à venir Ouais. et jamais fini. Là, alors, on peut peut-être faire par étage, je me dis. C'est peut-être une bonne manière d'explorer ce que j'ai. Alors, tout en haut, j'ai rassemblé les deux bouquins de Jack Edelstein, qui est enfin, c'est Jake plutôt, Jake Edelstein. C'est le premier journaliste étranger dans un journal national japonais. Et il a été journaliste d'investigation dans la mafia japonaise. Et il a écrit deux bouquins là-dessus. En fait, c'est aussi le pote d'une amie. Et du coup, il m'a dédicacé les deux bouquins. Et donc, je suis un peu fier de les avoir dans la bibliothèque. Et d'ailleurs, c'est vraiment très cool à lire. Son premier bouquin, c'est Tokyo Vice. Il est assez connu. C'est de l'autofiction, mais un peu romancé, bien sûr. Sur comment il est rentré dans l'investigation de la mafia japonaise. Et c'est vraiment passionnant. Après, j'ai Robert Musil, L'homme sans qualité en deux volumes. Ça, c'est un je l'ai récupéré de bah, d'une amie que tu connais qui les a lus et ça prenait trop de place dans sa bibliothèque et du coup voilà je les ai récupérés en me disant je vais les lire aussi parce que c'est un monument je réfléchis beaucoup en termes de ah tiens tout le monde me dit que c'est bien faut que je le lise c'est un incontournable et je le mets dans ma bibliothèque et puis un jour je le lirai mais peut-être pas ce bouquin en particulier en fait Bah, il est quand même épais, hein, dans le... ouais c'est clair. Et puis en plus, enfin, de ce que j'avais compris, le tome 2, c'est la moitié, c'est des fragments, c'est pas vraiment achevé. Oui, il est inachevé, le bouquin. Ouais. Enfin bon, ça fait partie des trucs comme la recherche. Je me dis un jour, trois petits points. après, j'ai plusieurs. Ouais, j'ai du Houellebecq. Bon, c'est pas fou. Je dis, c'est pas fou. Hein. J'en ai jamais lu, honnêtement. C'est un peu un préjugé quoi. Non, l'étage en haut, en fait, c'est vraiment les livres, je sais pas des livres qui m'attirent particulièrement. Il y en a quelques-uns que j'ai lus. Le vieil homme et la mer, c'était génial. Les raisins de la colère, c'était génial. En fait, il y a plein d'auteurs que j'ai pas lus, mais je suis capable d'en parler. Parce que dans mon entourage, je connais des gens qui les ont lus, qui m'en ont parlé. Je suis capable d'en parler, mais je suis pas capable d'en parler personnellement en fait. J'ai aucun jugement personnel. J'ai les 8 mars. huit semences. Ça, par contre, je pense que ça va beaucoup me plaire et il faut vraiment que je me lance dedans. C'est là-bas et à rebours. Voilà, c'est ça. Et comme j'ai eu un peu une épiphanie en lisant 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Le réalisme magique, tout ça, ça m'a complètement renversé. Et je me dis que, enfin, de ce que j'ai entendu, ça s'en rapproche un petit peu. Là, dans la quatrième de couverture, il parle de réalisme surnaturel. Ouais, parce que en fait, enfin, y a plusieurs Huysmans pour résumer, mais en gros, fait partie de ces générations d'écrivains qui, à la fin du 19e, se sont convertis au catholicisme et ont commencé à en imprégner leur œuvre. Et en fait, c'est enfin, là-bas, c'est le bouquin en fait où il entre un peu dans cette littérature catholique en un bouquin sur le satanisme. D'accord. Et voilà, ça parle de messe noire et de choses du même acabit. C'est assez rigolo. Ok. Bah oui, non, en tout cas, ça m'intriguait rien que en lisant les résumés. Je me suis dit, ça c'est le genre de truc qui peut me plaire. En fait, c'est vraiment, ouais, par exemple, là-bas, enfin, c'est un bouquin que j'ai très envie de lire juste par impression, en fait. Et il faut que je m'y mette. Jack London, Gros-Blanc. Une haute forêt de sapins, sombre et oppressante, disputait son lit au fleuve gelé. Dépouillés de leur linceul de neige par une récente tempête, les arbres se pressaient les uns contre les autres, noirs et menaçants, dans la lumière blafarde du crépuscule. Le silence était total. Le paysage morne, infiniment désolé, qui s'étendait jusqu'à l'horizon, était au-delà de la tristesse humaine. Mais du fond de son effrayante solitude montait un grand rire silencieux, plus terrifiant que le désespoir, le rire tragique du sphinx, le rictus glacial de l'hiver, la joie mauvaise, féroce, d'une puissance sans limite. Là, l'éternité, dans son immense et insaisissable sagesse, se moquait de la vie et de ses vains efforts. Là, s'étendait le wild sauvage, gelé jusqu'aux entrailles des terres du Grand Nord. Or, la vie défait le wild. Sur le fleuve immobile, des chiens loups tiraient un traîneau, une croûte de neige glacée alourdissait leur épaisse fourrure. À peine sortis de leur gueule, leur souffle se condensait, formant une buée opaque qui gelait aussitôt et retombait en cristaux sur leur pelage. Leur dos portait un harnais de cuir, des longes les reliaient au traîneau qui cahotait loin derrière eux. Dépourvus de patins, formés d'un solide assemblage d'écorces de bouleau, ils glissaient à plat sur le sol, sa proue recourbée écrasant l'une après l'autre, sans s'y enfoncer, les crêtes friables que la neige dressait devant lui. Il portait une longue caisse étroite, amarrée avec soin, qui occupait presque toute la place disponible. D'autres objets étaient entassés à côté d'elle, des couvertures, une hache, une cafetière, une poêle, mais il n'attirait guère l'attention, comme s'il n'avait été que des accessoires de la caisse oblongue. À l'avant et à l'arrière du traîneau, insoumis, indomptés, luttaient donc les deux hommes qui n'avaient pas encore été vaincus par le Wild. Leurs corps étaient recouverts de fourrure et de cuir souple, sur leurs paupières, leurs joues, leurs lèvres, les cristaux nés de la condensation de leur haleine formaient une couche si épaisse qu'il était impossible de les distinguer l'un de l'autre. Avec leurs masques livides, ils faisaient songer à des spectres, à des fantômes de croque-morts, conduisant dans un monde impossible les funérailles d'un fantôme de cadavre. Mais c'étaient des hommes bien réels, acharnés à survivre sur une terre désolée, silencieuse, meurtrière, des pygmées perdus dans un univers de géants, dressés contre un ennemi aussi insensible, aussi démesuré, aussi étranger à l'aventure humaine que le sont les profondeurs de l'espace. J'ai des guides de voyage. Routard Croatie 2019, parce que je suis allé en Croatie le mois dernier. Et le routard Kenya-Tanzanie 2014-2015. En fait, je suis allé à Zanzibar il y a un an. Et c'était pour ça. Et ça me fait un peu... Enfin, je trouve ça un peu étrange, les guides de voyage en routard, parce que c'est énorme. T'as énormément d'informations. Mais en fait, c'est pas le genre de truc que tu vas... Enfin, tu l'achètes 15 € pour en lire 3 pages à droite, à gauche, quand t'es dans telle ville ou dans telle ville, juste pour chercher une bonne adresse ou pour savoir ce qu'il y a à visiter. Et les gars, ils... Enfin, je sais pas, ils écrivent des tonnes. Et en fait, c'est un peu dommage, je me dis... Il y a tellement de choses qui passent à la trappe, en fait, pour la plupart des gens. Après, chacun pioche un peu ce qu'il veut, mais... Bah oui, c'est ça, en fait. C'est que si t'avais un guide très restreint, avec seulement quelques adresses par ville, bah tu verrais un monde fou, en fait, à chacune de ces adresses. Alors que là, comme chacun pioche, t'as moins de chances de retrouver des touristes. C'est vrai, c'est vrai. C'est le gros avantage. C'est vrai, ça, et puis c'est un côté un peu... oui, effectivement, ça a un sens même d'un point de vue d'édition. Ils vont pas sortir 10 bouquins pour 10 types de touristes différents. Mais je recommande pas trop le routard Croatie, il est pas terrible. Et la Croatie en elle-même? C'était vraiment bien, c'était vraiment très bien. C'était très très très touristique sur la côte fin juillet. Mais en tant que Français, on s'est pas fait embêter déjà, ce qui est... fair play de leur part. Et non, c'était vraiment cool. Après, j'y suis allé 10 jours et honnêtement, j'en ai pas fait la moitié, quoi. Il y a tellement de choses à voir. C'est vraiment très beau. Puis pour ceux qui aiment manger du poisson et des fruits de mer, c'est vraiment une bonne destination en Europe, je pense. Je connais pas du tout leur spécialité culinaire. Disons qu'ils n'ont pas grand chose. Alors, ils ont leur spécialité vraiment croate, c'est une sorte de plat cuit sous des cendres pendant toute une nuit. Donc, c'est le genre de truc que tu dois commander la veille pour le lendemain. Donc, c'est. J'ai pas testé. Mais c'est vraiment leur plat national. En dehors de ça, ils ont des trucs des Balkans un petit peu, genre des beleks. C'est le truc ottoman, quoi, par excellence. Ou les. Des keftas qu'ils appellent cevap chichi. Donc voilà. Et après, ils ont en fait énormément de spécialités italiennes. Les pizzas, les pâtes, les risottos, ça, ils en ont plein. En fait, ils ont une grosse influence culinaire de là. Et sinon, plein de trucs à base de fruits de mer et de poissons, quoi. Ça, c'est très bon. Là j'ai peut-être un petit rangement sur le deuxième étage. Ah oui, parce que je t'avoue que la cohérence du premier ne m'a pas... Non, il n'y avait pas trop de cohérence. Je pense qu'au départ il y en avait une. J'avais essayé d'en faire une et puis après ça s'est un peu mélangé. Mais là ça commence par Dostoïevski. En fait, Ouais, et là, en fait, l'étage est entièrement rempli de livres de poche, vraiment de poche. Et il y a Dostoïevski, Bulgakov, du coup, les auteurs russes. Ensuite, il y a une série de Kafka. Ensuite, il y a une série de Jack London. Et puis après, quelques livres un peu. On sait pas trop ce qu'ils font là. Et puis après, en fait, c'est plutôt de la fiction, de la non-fiction. Donc, il y a des bouquins sur l'art, et puis de la philo. Donc, Kierkegaard, Cicéron. Et après, j'ai mon petit passage Nietzsche, là. C'est mon petit bébé. Et Rousseau, Descartes, Épictète, Machiavel, De Vinci, Pascal et Bergson. Ça, c'est mon petit passage philo, quoi. De fait, comme je lis beaucoup moins ces derniers temps, je lis beaucoup moins aussi de la philo. Mais je m'y intéresse toujours. Et bah là, par exemple, en cherchant un petit peu des extraits pour le podcast, j'ai relu Nietzsche un peu en diagonale quelques passages, et ça m'a vachement ça a ravivé quelque chose en moi, on va dire. Après, il y a des trucs que j'ai vraiment très envie de lire en philo, mais je dirais que c'est plus il faut que je sois dans un certain état d'esprit, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de me forcer à lire quelque chose. Bah, par exemple, quand je veux lire en allemand, ça m'arrive aussi de me dire, ah tiens, il faut que je lise en allemand, donc je me force à prendre un livre que je peux lire en allemand. Bah, c'est un peu pareil pour la philo, je me dis, tiens, j'ai bien envie de lire un truc qui va m'enrichir intellectuellement, qui va me faire me poser des questions, tout ça. Alors bien sûr, on retrouve ça aussi dans des fictions, hein, mais il peut m'arriver de vouloir un livre qui va vraiment porter sur cet axe-là, quoi. Après, si je devais me remettre à lire de la philo là immédiatement, il y a vraiment des livres sur lesquels je sais que, enfin, il faut que je me porte. Il y a les bouquins de Nietzsche que j'ai toujours pas lus, Ecce Homo et Aurore. Et il y a Le Rire de Bergson, qui, je pense, me plaira beaucoup. Donc, en fait, j'ai un peu des préjugés sur les bouquins, hein. Comme j'en entends parler par mon entourage, je me dis, ah tiens, ça me plairait. Et du coup, bon, je le garde en tête. Comparé à d'autres bouquins, par exemple le manuel d'Épictète, bon, je sais que ça doit valoir le coup, ça doit être intéressant, mais c'est pas le truc que je vais lire en me disant, enfin, que je vais préjuger en me disant, ah tiens, ça, il faudrait que je le lise, ça va me plaire. Ouais, mais d'ailleurs, je pense qu'on est. Enfin, comment. Les livres qu'on n'a pas lus, mais auxquels on pense en se disant qu'on va les lire, sont presque aussi importants, ou peut-être tout aussi importants que les livres qu'on a lus, je pense, Oui, d'une certaine manière. oui, Parce que c'est des livres qui nous occupent l'esprit, en disant, enfin, sur lesquels on se projette beaucoup, ce qui fait que parfois aussi bah, des Bah, déceptions. oui, c'est Mais. ça, forcément. Et bah, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a des livres justement qui m'ont fait de l'effet totalement inverse. Par exemple, 100 ans de solitude. C'était un cadeau de la mère de mon meilleur ami. Et en fait, j'ai vu que bah, c'était le prix Nobel de littérature 82. Et je me suis dit, oh, tiens, c'est 82, c'est très récent. Moi, j'ai tendance à pas trop lire de fiction, en particulier contemporaine. Je sais pas si c'est contemporain, 82, hein, mais bon, c'est assez récent, quoi. Et du coup, bon, déjà, je suis parti avec un a priori plutôt négatif. En plus, c'est un peu volumineux. Et aussi, c'est de la littérature d'Amérique latine. Et enfin, moi, j'ai jamais rien lu d'Amérique latine avant 100 ans de solitude. Du coup, j'avais toute cette accumulation de choses plutôt enfin, qui présageaient une mauvaise expérience de lecture, on va dire. Et comme c'était un cadeau, je me suis dit, bon, quand même, faut que je le tente. Et j'ai lu le premier chapitre et ça m'a totalement, mais bah, comme je disais tout à l'heure, renversé. Et en fait, c'est vraiment un livre qui a changé ma manière de voir la fiction, je pense. En fait, moi je suis plutôt un lecteur de romans classiques. Donc ça va être surtout des trucs du 19e. Et en général, soit c'est fantastique, et dans ce cas-là, bon bah t'es dans un cadre et tu sais qu'il y a une portée un peu surnaturelle, soit t'es dans du réalisme classique, et donc en fait. Les personnages vont faire des choses, il va se passer des choses dans leur vie. Ils peuvent, par exemple, avoir un intellect assez torturé. Je sais pas, dans Dostoïevski, les gens peuvent penser des choses qui sont totalement bizarres, qui tendent vers la folie. Mais bon, il y a toujours ce cadre un peu réel. Et en fait, quand j'ai lu Cent ans de solitude, et surtout, enfin, ce premier chapitre où le personnage découvre la glace en étant enfant. Non, il découvre la glace en étant adulte, mais après, il y a un autre passage où on revient là-dessus. Et en fait, il découvre la glace et il dit c'est la meilleure invention, c'est l'invention du siècle, ou quelque chose comme ça. Et enfin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, en gros, on peut raconter des choses qui sont très réelles, leur donner un aspect totalement surnaturel. Et en fait, marcher un peu à la frontière entre ces deux choses sans jamais basculer réellement dans l'un ou dans l'autre. Et en fait, ça crée une ambiance totalement, je dirais, mystique, en fait. Et ça, dans la littérature, ça m'a. Enfin, effectivement, sur le papier, j'aurais pas pensé, on me l'aurait présenté, j'aurais dit oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais le fait de le lire, c'était une expérience. Totalement nouvelle et ça m'a beaucoup influencé, je pense. Alors il y avait en fait, je pense qu'il y a eu une période où j'ai lu justement bah, Cent ans de solitude et Le Maître et Marguerite, et ces deux bouquins, je pense qui partagent un peu ce côté réalisme magique. Il y a du c'est un peu fantasmagorique par moment, et je les ai lus à peu près dans la même période et j'avais du mal à les lire en fait. C'est des bouquins qui ont été un peu laborieux à la lecture. Ça m'a pris 6 mois pour Cent ans de solitude. Mais en fait, je pense que enfin, je les lisais aussi très lentement parce que ça me. J'en tirais le plus possible de chaque phrase, quoi. C'était. C'est en fait, je pense que ça m'a paru très très long aussi. Parce que justement, je découvrais un nouveau monde en fait. Mais comme quand tu t'arrives dans une ville pour la première fois, t'as l'impression que tu te balades et t'as l'impression que en fait c'est très très lent. Tu vois tellement de choses que tu dois enregistrer que ça, bah, t'as l'impression que le temps passe très lentement. Et en fait, les fois suivantes, quand tu repasses, tu te dis ah mais non, en fait, ça prend 30 secondes d'aller de là à là. C'est juste que dans ta tête, toi, tu l'as enregistré comme un truc qui durait 15 minutes parce que t'as vu tellement de choses en 30 secondes. Enfin, voilà, ça, c'est un peu cette impression-là. Bulgakov, le maître et Marguerite. Votre récit est excessivement intéressant, professeur, bien qu'il ne concorde pas du tout avec ceux des évangiles. De grâce, répondit le professeur avec un sourire condescendant, qui donc mieux que vous devrait savoir que rien, rigoureusement rien de ce qui est écrit dans les évangiles n'est réellement arrivé. Et que d'ailleurs, si nous nous mettons à prendre les évangiles comme source historique, et le professeur eut un nouveau sourire. Berlioz eut un haut-le-cœur, parce que c'était là, mot pour mot, ce qu'il avait dit à Biesdomny, tandis qu'il se dirigeait en sa compagnie par la rue Bronaïa vers l'étang du Patriarche. D'accord, dit Berlioz, mais je crains bien que personne non plus ne puisse confirmer que ce que vous avez raconté est réellement arrivé. Oh si, quelqu'un peut confirmer, répliqua le professeur en se mettant tout à coup à écorcher le russe. Mais d'un ton extraordinairement convaincu. Et soudain, l'air mystérieux, il fit signe aux deux amis de se rapprocher de lui. Tous deux, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, se penchèrent et il leur dit, cette fois sans aucun accent, l'accent étranger chez lui apparaissait et disparaissait inopinément, le diable sait pourquoi. Le fait est, le professeur jeta autour de lui des regards craintifs et baissa la voix jusqu'au chuchotement, que j'ai assisté personnellement à tout cela. J'étais sous le péristyle avec Ponce Pilate, et dans le jardin quand il causait avec Caïphe, et sur l'estrade de pierre, mais secrètement, incognito, pour ainsi dire, de sorte que je vous en prie, pas un mot à quiconque. Le secret le plus absolu. Chut. Et il y eut un moment de silence, et Berlioz pâlit un peu. Vous êtes depuis combien de temps à Moscou ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. À Moscou ? Mais j'y arrive à l'instant, répondit le professeur, l'air égaré. C'est alors seulement que les deux amis songèrent à le regarder comme il convient, dans les yeux, et ils en conclurent que son œil gauche, le vert, avait une expression totalement insensée, et que son œil droit était vide, noir et mort. « Eh bien, tu as compris maintenant, » pensa Berlioz, tout confus. « Ou bien cet Allemand qui débarque est fou, ou bien il vient de perdre la boule ici même, à l'étang du Patriarche. En voilà une histoire. » Effectivement, ainsi, tout s'expliquait. Cet étrange déjeuner avec le défunt philosophe Kant, et ces histoires idiotes à propos d'huile de tournesol et dont on ne sait quelle Annouchka est la prédiction de la tête coupée, et tout le reste, le professeur était fou. Berlioz sut tout de suite ce qu'il allait faire. Se renversant sur le dossier du banc, il envoyait des clins d'œil derrière le dos du professeur à Biesdomny. « Ne le contredis pas !» voulait-il dire. Mais le poète, en plein désarroi, ne comprenait rien à ces signaux. « Oui, oui, oui !» dit Berlioz avec agitation. « Au demeurant, tout cela est possible. Très possible. Même Ponce Pilate, la terrasse et le reste. Et vous êtes venu seul ou avec votre épouse ?» Seul, seul, je suis toujours seul, répondit amèrement le professeur. Et où sont vos bagages, professeur ? Demanda Berlioz d'un air patelin. Au métropole ? Où êtes-vous descendu ? Moi ? Nulle part, répondit l'Allemand, au cerveau fêlé, en laissant errer son œil vert, mélancolique et hagard, le long de l'étang. Comment ? Mais où allez-vous habiter ? Chez vous, répondit le fou, avec une soudaine désinvolture, et il cligna de l'œil. J'en serais très heureux. Balbutia Berlioz. Mais vraiment, vous ne seriez pas très bien installé chez moi. Au métropole, il y a d'excellentes chambres, c'est un hôtel de premier ordre. Et le diable, il n'existe pas non plus ? Demanda gaiement le malade, en s'adressant brusquement à Ivan Nikolaïevitch. Non plus. Ne le contrarie pas, souffla Berlioz, toujours derrière le dos du professeur, en remuant les lèvres avec force grimace. Il n'y a pas de diable, ça n'existe pas, s'écria à contre-temps Ivan Nikolaïevitch, à qui toute cette compote faisait perdre la tête. « C'est une punition, cet homme-là. Cessez donc de divaguer. » À ces mots, l'insensé éclata de rire, au point qu'un moineau posé sur une branche de tilleul au-dessus des trois hommes s'envola. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, j'ai... Les gogols, ils sont là, mais ils devraient être plutôt du côté de la littérature russe. Sauf que comme ce bouquin, c'est un beau livre, je l'ai mis à côté de l'autre beau livre. Voilà. C'est des petites considérations d'organisation. Et plus bas, j'ai un peu un... C'est un gros mélange, je pense. Mais c'est des livres qui sont un peu grands. En fait, l'étage du bas, il est un peu plus grand. Du coup, je les ai mis là. On y retrouve L'Idiot de Dostoïevski et Le Journal d'un écrivain, qui est dans un état, mais c'est... Enfin, tu sens que le livre, il a respiré et là, il en est au bout de sa vie, quoi. Regarde, quand je tourne les pages, il y a de la poussière qui sort. Mais alors, le truc, c'est que ce livre-là, pour le lire, je suis obligé de le lire à la maison, quoi. Mmh. Tu vois la tête qu'il a. Et d'ailleurs, dans le même genre, j'ai ça. C'est en trois volumes, Edgar Poe, sa vie, son œuvre, études analytiques par Marie Bonaparte, avant-propos de Freud, et édité aux Presses universitaires de France, L'actualité psychanalytique. Et en fait... quand j'ai vu ça, forcément, hein, c'était pareil à la boutique de mon père, brocanteur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça, moi je suis un grand fan de Edgar Poe. Je me suis dit, bon, ça c'est collector, quoi. Je le prends. Je sais que, enfin, peut-être que je le lirai un jour si j'ai envie de, par exemple, faire une étude sur Edgar Poe, sa vie, ou en tout cas la perception qu'on a eu de sa vie et de son œuvre. Je pense que ça, c'était au début du XXe siècle. Parce qu'en fait, j'ai lu d'autres choses plus récentes sur Edgar Poe et... Enfin, Edgar Allan Poe, je préfère dire Edgar Allan Poe. La manière dont il a été perçu, justement, à ce moment-là. Et aussi un commentaire de ce qu'a dit Marie Bonaparte. Et en fait, c'est un ramassis de bêtises, plus ou moins. En fait, ils ont, enfin, dans cette trilogie de psychanalyse de Edgar Poe, il y a plein de rumeurs en fait qui ont été du coup écrites dans des bouquins qui se sont transformées en des rumeurs crues, quoi, vraiment. Des légendes urbaines, quoi. Ouais, c'est ça. Comme quoi sa mère serait morte sous ses yeux quand il était bébé et que ça aurait influencé tout ce qu'il a écrit. Alors que en réalité, bon, Edgar Poe, c'est... Je comprends pas trop... Enfin, je comprends le mystère, hein, bien sûr. C'est comme, je sais pas, pour Baudelaire, on en fait des mythes, un petit peu. Mais quand on regarde sa vie... Ce qu'il écrit s'explique très simplement par ses habitudes, son entourage, ce qu'il fait. Enfin, il buvait beaucoup, il avait des fréquentations diverses et variées, et puis il avait une vie assez triste, et du coup, bah, en fait, il projetait ça dans sa littérature, quoi. C'est tout. Puis en plus, il a écrit pas mal de choses juste pour être publié, pour gagner de l'argent. Et donc, il faisait très bien ce qu'il faisait. Et comme il était un peu le seul à ce moment-là, et que le reste des gens qui se faisaient publier, c'était un peu pourri aux États-Unis, il se moquait en fait beaucoup de sa concurrence. Et je sais pas quoi, il menait sa vie, tu vois. Là, j'ai ce gros bouquin de Edgar Allan Poe, œuvre complète, conte, essai, poème. Aux éditions Bouquins de Robert Laffont. Et c'est vraiment excellent. C'est un livre que j'ai acheté sur un coup de tête à la Fnac. Il coûtait un petit peu cher pour mon budget d'étudiant à l'époque. Et en fait, j'ai aussi. Enfin, j'achète rarement des bouquins neufs, en fait. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça, je vais l'acheter et je vais le garder toute ma vie. Ouais, c'est jamais perdu. C'est ça. Et en plus, la couverture avec le corbeau sur sa branche, ça m'a vraiment. Ça m'a touché, et c'est là-dedans qu'il y a vachement de contexte, en fait, sur Edgar Poe, beaucoup de discussions. C'est une édition qui a été établie par un professeur de littérature américaine, spécialiste de Poe, et du coup, c'est là-dedans aussi que j'ai lu, par exemple, que ce que disait Marie Bonaparte, c'était plutôt des bêtises. Et ça m'a permis... d'acquérir une certaine érudition, je dirais, sur Poe. D'ailleurs, l'avant-propos, c'est le mythe de Poe. Et c'est vachement bien, parce qu'en fait, il déconstruit ce mythe. Il critique pas mal de choses là-dessus, sur la perception qu'on en a. Et par exemple, il n'hésite pas à décortiquer un petit peu la traduction de Baudelaire, qui est en fait un peu trop personnelle. Je me suis rendu compte que même pour un auteur hyper classique comme Poe, où on pourrait se dire, ouais, bon, c'est de la littérature fantastique, on en a fait des études, on a analysé son style, etc. En fait, il y a encore énormément de choses à dire. Et là, j'ai aussi des bouquins que j'ai piqués à ma sœur. Je pense que je vais les adorer, il y en a certains que j'adore. Il y a Les Contes d'Islam, Le Livre des Ruses, La Conférence des Oiseaux, donc c'est des bouquins de... littérature du Moyen-Orient. Et c'est des trucs que j'ai très envie de lire. Ma sœur, elle a étudié la littérature arabe. Et du coup, elle les connaît, elle les a lus. Et je pense que j'en tirerai beaucoup de choses. Et là, ça c'est un des trucs que j'adore. J'en ai deux exemplaires. Enfin, deux exemplaires différents. Mais c'est Les Aventures de l'incomparable Mulla Nasruddin. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un personnage de conte populaire du Moyen-Orient. À la base, c'est plutôt... ça part des Balkans jusqu'en Iran, je pense. Et en gros, c'est le sage-fou. Donc il est toujours représenté avec son énorme... turban et sur un âne. Parfois, il le monte à l'envers. Ça, c'est pour montrer qu'il est un peu fou. Et c'est plein de petites histoires que moi, ma mère m'a racontées à l'oral quand j'étais petit ou qu'on lisait dans des recueils. Et donc là, c'est deux recueils différents. Mais alors, je suis sûr, on retrouve les mêmes histoires. Il y en a certaines Enfin, il y en a qui sont rajoutés dans l'un ou dans l'autre. Et c'est vraiment très drôle. C'est de l'humour un peu absurde, un peu philosophique. En fait, c'est un personnage qui a tendance à penser vraiment hors des cadres communs. Et du coup, j'aime beaucoup parce que ça interroge notre rapport au monde, je dirais. Sans vouloir faire pédant. Du tout. Voilà, je pense que là, on a un peu fait le tour. Et depuis tout à l'heure, il y a ce carton-là, Ouais. à côté. Il y a deux cartons même. Deux cartons. Alors celui-là, ouais. Donc il y a un carton avec écrit les livres de Bill Gates. Donc ça, c'est supposé être mes livres. En fait, j'ai déménagé ici il y a un an. C'est chez mes parents. Moi, avant, j'habitais dans un appart en coloc. Et mes parents ont acheté cette maison. Moi, j'ai une chambre à l'étage, donc je suis tranquille. Et puis, ça me permet de ne pas payer de loyer. Et c'est une situation un peu temporaire, puisque je ne vais pas rester à Paris très longtemps. Et il me reste encore quelques mois, et puis après, je vais m'en aller, je pense. Et du coup, quand on a déménagé, bah, on avait plein de cartons. Moi, j'ai pas eu trop de place. Il faudrait peut-être que je me fasse une mini bibliothèque sous la fenêtre là. Mais du coup, il y a des cartons que j'ai même pas ouverts. Faut croire que si je les ai pas ouverts, c'est que il n'y avait pas grand-chose de valeur dedans. Mais je sais pas. On peut voir ça ensemble si tu veux. Alors là, ouais, ça. C'est un gros carton, il y a marqué BD, revue d'art, mais je soupçonne qu'il n'y a pas du tout des BD et des revues d'art parce qu'il y a un bouquin de mes parents. Je te laisse admirer le truc. Voilà, c'est Dictionnaire des fantasmes et perversions. Et ah oui, ça je l'avais feuilleté, ça m'a fait quand même. C'est intéressant, je trouve. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses qu'en fait on ne soupçonne pas du tout. Par exemple, là, tu as. Gynémimétophilie. Excitation sexuelle provoquée par un partenaire de sexe masculin déguisé en femme. Et après, il y a toute une description. Ouais, c'est un dictionnaire avec plein de termes de fantasmes et perversions. Et il y a vraiment des choses qu'on ne soupçonne pas. Écouteurisme. L'écouteurisme est à l'acoustophilie, ce que le voyeurisme est à la scoptophilie. L'acoustophile ou scoptophile se satisfont avec des partenaires consentants. Pour le voyeur comme pour l'écouteur, il faut surprendre un secret. Ah oui, donc en fait, c'est le fait d'écouter l'acte sexuel, là, probablement. Ah ouais. L'écouteur cherche à entendre les ébats sexuels d'autres personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent écoutophiles malgré eux dans des appartements adjacents avec des murs en papier. Gogol, le nez. Telle est l'aventure qui eut pour théâtre la capitale septentrionale de notre vaste empire. À y bien réfléchir, beaucoup de détails en paraissent inconcevables. Sans parler de la disparition, vraiment surnaturelle, du nez et de sa réapparition en divers endroits sous forme de conseiller d'État. Comment Kovalev a-t-il pu songer à réclamer son nez par la voix des journaux? Je ne parle pas du coup de l'annonce, n'allez pas me ranger parmi les avares, mais de son inconvenance, de son immodestie. Et puis, comment le nez s'est-il trouvé tout d'un coup dans un pain frais? Comment Ivan Yakovlevitch? Non, cela ne tient pas debout. Je ne le comprends absolument pas. Mais ce qu'il y a de plus étrange, de plus extraordinaire, c'est qu'un auteur puisse choisir de pareils sujets. Je l'avoue, cela est pour le coup absolument inconcevable. C'est comme si. Non. Non, je renonce à comprendre. Premièrement, cela n'est absolument d'aucune utilité pour la patrie. Deuxièmement, mais deuxièmement non plus, d'aucune utilité. Bref, je ne sais pas ce que c'est que ça. Et cependant, malgré tout, Bien que, certes, on puisse admettre et ceci, et cela, et encore autre chose, peut-être même... Et puis enfin quoi? Où n'y a-t-il pas d'incohérence? Et après tout, tout bien considéré, dans tout cela, vrai, il y a quelque chose. Vous aurez beau dire, des aventures comme cela arrivent en ce monde, c'est rare, mais cela arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Le Seigneur des Anneaux, volume 2 et 3, je crois que j'avais le volume 1 ailleurs. Mon nom est rouge de Orhan Pamuk, un auteur turc que j'ai jamais lu. Pourtant, c'est un peu la grande littérature du pays de mes parents, mais je crois que même eux n'ont pas vraiment lu, en fait. Oui, j'ai par exemple Samuel Beckett, Proust. Non, je sais pas, je l'avais vu à la boutique, pareil, je l'ai pris, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant, j'ai jamais lu Proust, j'ai jamais lu Beckett. Qu'est-ce que... Voilà. Pourquoi? Ah, tiens, voilà, Le Seigneur des Anneaux, volume 1. Non, honnêtement, je pense que ça, c'est surtout des bouquins de mes parents, en fait. Il y a plein de trucs. Ouais, ça, c'est pas trop à moi, Le Passe-Muraille, mais je l'ai déjà. Bon, je vais ranger ça. Ce que je me dis sinon, c'est que je peux parler peut-être de ma liseuse. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bah, c'est parce qu'elle est petite, en fait. Ouais, parce que c'est aussi, en fait, je pense que c'est ma deuxième bibliothèque, très honnêtement. C'est une liseuse Amazon Kindle Paperwhite qu'on m'a offert à mon anniversaire il y a 4 ans, je pense. 3 ou 4 ans. C'est vraiment ça m'a vraiment permis de lire beaucoup de livres parce que bah en fait moi comme je lis beaucoup de classiques c'est généralement très facile à trouver et puis même après j'ai mes sites pour télécharger illégalement des livres. J'avoue que je sais pas trop où me placer par rapport à cette pratique. Je pense que j'ai aussi peu de scrupules qu'à télécharger des séries ou des films, quoi. Surtout quand on pense à tout ce que l'éditeur prend sur l'auteur. Et puis bon, de toute façon, étant donné que je télécharge pas beaucoup non plus, ou en tout cas je lis pas énormément, c'est pas non plus... je dégrade pas énormément... Est-ce que tu télécharges des auteurs vivants? Oui. Mais j'ai tendance à télécharger des auteurs vivants dont j'ai déjà des bouquins, par exemple. Pas forcément le bouquin que je télécharge, mais j'ai d'autres de leurs bouquins. Donc, par exemple, Amin Maalouf. On en a plein à la maison, mais pas forcément ceux que j'avais envie de lire. Donc, par exemple, on a Samarcande, on a Un fauteuil sur la Seine, on en a plein d'autres, mais moi j'avais envie de lire Léon l'Africain et on l'avait pas. Et en fait, ce que je faisais beaucoup quand j'étais petit, c'est que bah, je lisais en bibliothèque, en fait, ou j'empruntais à la bibliothèque. Jusqu'à la fin du collège, j'avais pas de bibliothèque personnelle, j'avais pas de livre à moi. Et tout ce que j'avais lu, c'était en bibliothèque. Ou alors la bibliothèque de mes parents. Et c'est qu'à partir du lycée que j'ai commencé à accumuler des livres pour chez moi. Et du coup, pour moi, c'est un peu l'équivalent, quoi. Si je télécharge un bouquin, en fait, c'est pour le lire une fois. C'est comme si je l'empruntais en bibliothèque, mais au format électronique. Mmh. Donc j'ai pas trop de... Mais après, c'est vrai que, par contre, maintenant que j'y pense, l'emprunt en bibliothèque, ça donne un petit pourcentage à l'auteur, il me semble. Les auteurs peuvent réclamer, en tout cas, leur genre une sorte de royalties sur le nombre d'emprunts qu'il y a eu dans les bibliothèques de leurs œuvres. Et du coup, bon, c'est peut-être une meilleure pratique, en fait, d'emprunter les livres à la bibliothèque. Ou alors, je les emprunte en bibliothèque au moment où je vais les lire, et je les télécharge. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Ouais, donc il y a Amin Maalouf, j'en ai pas mal sur ma liseuse. J'ai pas mal de Nietzsche. Et puis après, très récemment, je me suis mis à mettre des mangas, en fait, sur ma liseuse. J'ai trouvé comment faire. Et j'ai dévoré Bah, un manga que j'avais déjà lu quand j'étais ado, mais je me souvenais plus trop de la trame en général, c'est 20th Century Boys. Ah oui. Et j'étais très très content de relire ça. Surtout, en fait, enfin, c'est super dense, ça dit beaucoup de choses, et du coup, le relire avec plus de maturité, on va dire. Et du coup, bah, j'étais très content de relire ça, et en fait, je me suis plongé du coup dans Urasawa, l'auteur. J'ai lu Atome et bah, le chirurgien qui se retrouve accusé d'un meurtre. Bah, c'est ça, c'est son. Ah, Monster. C'est son chef-d'œuvre. Enfin, je trouve personnellement. 20th Century Boys, c'était très bien. C'était très. Enfin, ça a une grande portée politique. Mais Monster, c'est. D'un point de vue questionnement moral et d'un point de vue trame narrative avec enfin c'est un pur thriller qui enfin c'était exceptionnel comme expérience en tout cas enfin je l'ai lu sur ma liseuse du coup et le dernier chapitre je tremblais en le lisant quoi c'était fou et je suis très content du coup d'avoir replongé dans les mangas. Parce que ça faisait très longtemps, je m'étais arrêté, enfin j'avais arrêté de lire des mangas, je pense, vers le début du lycée. Et avant je lisais en scan ou je les empruntais à la bibliothèque, etc. Et en fait, bah ouais, je m'y suis remis et je suis content. C'est cool. Et j'en ai pas du tout chez moi. En même temps, c'est tellement volumineux à force. Donc là, ouais. Voilà, donc là j'ai téléchargé Billy Bat. C'est un autre, c'est son. Je crois que c'est son dernier manga. Mais j'ai pas réussi trop à continuer parce que ma copine m'a un peu poussé, je dirais pas forcé, mais poussé grandement à lire Damasio. Donc elle a lu La Zone du Dehors, puis La Horde du Contrevent. Et bah, elle trouvait ça génial. Ouais, elle m'a dit qu'elle avait rarement lu quelque chose d'aussi bien. Après, elle lit beaucoup, beaucoup de fantasy et de SF. Et elle m'a dit que La Zone du Dehors, ça me plairait beaucoup sur les aspects politiques, philosophiques. Et du coup, là, je suis en plein là-dedans. Donc, c'est pratique, tu vois, je peux voir, je suis à 29%. Mais j'avance lentement parce que j'ai quand même du mal avec la SF. Je trouve que c'est très, très facilement caricatural. Et en fait, non, je pense que c'est pas tant le côté caricatural qui me pose problème, c'est que j'ai tendance à voir tout de suite où est-ce qu'ils veulent en venir. Et ils ont tendance à décrire des pages et des pages de systèmes, comment c'est mis en place, pourquoi ils font ça, la politique, comment fonctionne la ville, le monde dans leur univers. Mais en fait, enfin, ne me dis pas tout ça, juste raconte-moi une histoire qui se passe dans ce cadre-là. Et je comprendrais naturellement que c'est ce cadre-là. Et c'est ça que j'adore dans Kafka, par exemple. Parce que Kafka, on pourrait dire que c'est de la SF, finalement. C'est un personnage qui se retrouve dans un monde qui n'a pas du tout le même fonctionnement, mais qui est quand même. Enfin, on peut l'appréhender, cet univers, mais il est quand même. Bah. Je sais pas. Hors. Enfin, c'est un. Côté extrême de notre monde à nous. Et en fait, Kafka, il te dit pas oui, ils avaient ci, ils avaient ça, ils faisaient ci, ils faisaient ça, comme mise en place de structure. Il n'y a pas de description de cet univers-là. C'est juste un personnage qui est livré dans cet univers à lui-même. Et on en déduit un peu tous les codes. Et je sais pas, du coup, c'est peut-être le fait d'avoir lu Kafka qui me rend un peu imperméable aux descriptions qu'il y a dans les livres de SF. En même temps, il faut dire, j'en ai pas beaucoup lu, puisque, de fait, comme ça m'a pas beaucoup plu. Mais du coup, il y a la zone du dehors, j'ai un peu du mal à avancer. Mais après, il y a tout un pan de réflexion sur la politique qui est vraiment, vraiment intéressant, même si c'est un petit peu grossièrement présenté. Peut-être qu'on peut s'orienter vers la cheminée pour que je te parle de mes gros livres. Alors, ici, en fait, Sur ma cheminée, j'ai regroupé des livres qui sont très grands, parce qu'ils ne rentrent pas dans ma bibliothèque. Et il y a Les grandes cités avec Istanbul. Donc en fait, c'est un livre photo qui date, je pense, des années 60-70, peut-être. Je regarde. C'est un bouquin qu'on a trouvé chez les grands-parents de ma copine. Et en fait, ils étaient en train de déménager et ils se débarrassaient de plein de trucs. Et ils avaient mis de côté un peu ce qui aurait pu m'intéresser. Et du coup, ils avaient vu juste. Parce que c'est des photos d'Istanbul et de Turquie, globalement, dans les années 70. Et c'est très, très drôle de voir à quoi ça ressemblait avant par rapport à aujourd'hui. Parce que j'ai vécu 6 mois à Istanbul et ça n'a rien à voir, en fait, hein. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais ça a tellement changé. Donc, je suis très content d'avoir ce bouquin. Je le feuillette de temps en temps pour me remettre un petit peu dans une ambiance je dirais, entre tradition et modernité. Après, là, tu vois, j'ai ce grimoire, ce gros bouquin. Et ben, en fait, ce gros bouquin, il n'y a rien dedans. Tu vois, c'est un beau livre. C'est, il y a même des, tout simplement un bouquin, tu sais, paper blanks, c'est un carnet, quoi, en fait. Donc il y a rien dedans, j'ai rien écrit. Et alors pourquoi j'ai ça? Parce que je l'ai pas acheté. En fait, c'est c'est ce que j'ai gagné à un prix de d'écriture de poésie. Et du coup, j'ai gagné ça et deux autres carnets qui sont de pareil, paper blanks, qui sont un peu plus petits. Et ça, j'ai commencé à en noircir quelques-uns avec des idées de choses que je pourrais écrire. Mais bon, j'ai un peu du mal avec l'écriture manuscrite. Donc je fais des brouillons là-dessus, j'écris des idées à la va-vite, mais généralement, le peu que j'ai commencé à écrire. Personnellement, je l'ai écrit sur l'ordinateur, en fait. Mais je suis quand même très content d'avoir ces trucs, je les trouve très beaux. Je me dis qu'un jour, j'écrirai vraiment quelque chose, et peut-être que ça aura vraiment un intérêt. On verra. Omar Ayam, Rubaiyat. Ivresse rayonnante. Je boirai tant et tant qu'une odeur de vin fort sortira de la tombe où dormira mon corps, et que les gens passant tout près du cimetière, s'ils sont à peine gris, tomberont ivres morts. Après, j'ai des revues de ce côté-là, des livres qu'on m'a offerts. Ah tiens, ça, j'aime beaucoup. C'est un bouquin sur l'œuvre graphique de Escher, avec en fait des reproductions de ses œuvres, et toute une discussion avec Escher, enfin des explications plutôt. Donc pour chaque œuvre, en fait, il décrit l'œuvre, il en parle, il explique pourquoi il a fait ça. C'est vraiment super intéressant. Surtout que Escher, c'est un artiste qui a fait des choses. Je sais pas si à l'époque on pouvait vraiment considérer ça comme de l'art. Enfin, c'était plus des expérimentations graphiques, quoi. Je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus du graphisme que de l'art au sens noble du terme. Et du coup, c'est vachement intéressant de lire comment il a approché ça. Et donc voilà, ça, j'aime beaucoup feuilleter. Surtout que ça m'inspire beaucoup, ces œuvres. Je trouve que ça a un côté très kafkaïen, parfois. Attends, je te montre. Peut-être des personnages qui disparaissent dans des... Dans les traits du dessin, c'est un petit peu étrange. Voilà. Là j'ai le code de la route 2018 à côté. Et j'ai les deux énormes volumes. Je pense que c'est les deux bouquins auxquels je suis le plus attaché. Parce que le reste, bon, j'ai un attachement sentimental, bien sûr, à tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque, ou en tout cas à certains en particulier, parce que je les ai lus, J'avais l'expérience physique de les lire, je me souviens les avoir dans mon sac, etc. Mais en fait, on pourrait les remplacer par n'importe quel autre exemplaire de ce même bouquin, ça ne me gênerait pas. J'écris pas de notes dans mes bouquins, je fais pas de marque-page, de choses comme ça. Après, il y a des bouquins qui sont quand même très beaux et j'aimerais les garder juste parce que c'est des beaux livres. Mais ces deux volumes, c'est vraiment le truc dont je suis le plus accro, on va dire. Si ma maison devait brûler et que je devais sauver des livres, bah, je commencerais par sortir ça, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Encyclopédie philosophique universelle aux Presses universitaires de France. Les notions philosophiques, donc dictionnaire 1 et dictionnaire 2, il n'y a que deux volumes. Et en gros, c'est couverture en cuir. Tout est édité sur du papier bible, donc c'est super fin. Le truc fait... alors le volume 1, il fait... Je sais pas, 1500 pages, quelque chose comme ça. Ouais. Le volume 2, il doit faire 2000 pages. Et en fait, c'est juste un dictionnaire. Enfin, c'est une encyclopédie, plutôt, de notions philosophiques. J'ai obtenu ça quand j'étais en prépa. C'est le genre de truc que je trouve, en fait, en bibliothèque universitaire. Mmh. Et, en général, t'as pas le droit de les emprunter. Enfin, c'est des trucs que tu consultes sur place. Et je les ai vus à la boutique de mon père. Et je les ai pris pour chez moi. Et en fait, je pense que ça a été édité en si peu d'exemplaires que ce serait un crime de laisser ça disparaître. Et du coup, je me dis que c'est un peu un crime de laisser ça chez moi. Parce que bon, ça m'arrive de le feuilleter pour regarder un petit peu la définition d'un terme, par exemple l'âme au sens esthétique. Ou, algorithme, tiens. Mais je me dis que peut-être ça serait plus utile à d'autres. Et je sais pas, peut-être que j'en ferai un don. Je sais pas, mais pour le moment, en tout cas, c'est vraiment le livre auquel je tiens le plus chez moi. Pourtant, je peux pas dire que j'en ai lu beaucoup, hein. J'ai lu quelques pages par-ci, par-là. Bah, c'est fait pour ça, en même temps. Oui, c'est clair, c'est une encyclopédie. Mais à un moment, je m'étais dit, hein, je vais m'exiler sur, dans une retraite à la montagne ou sur une île avec ça, et je vais passer deux prochaines années à lire l'encyclopédie philosophique universelle, comme si ça allait m'apporter quelque chose. Enfin, soyons honnêtes, être capable de parler de l'articulation des intérêts en sociologie, bon, ça peut être intéressant, mais est-ce que si je lis toute cette encyclopédie, ça va vraiment rester dans ma tête? Je suis pas sûr. Donc c'est plus quelque chose à consulter, quoi. Mmh. Mais j'ai un rapport un petit peu... je pense que j'ai un rapport au livre qui est vachement porté sur le savoir. Pas tant sur ce qu'il pourrait m'apporter, mais sur ce qui le renferme, en fait. J'ai eu un choc un jour où je me suis surpris à penser qu'en fait, pour 5 euros dans n'importe quelle librairie, tu peux acheter, Ainsi par les Zarathoustra, ou enfin peut-être pas Ainsi par les Zarathoustra, mais je sais pas, Le Gai Savoir par exemple, c'est une œuvre, moi qui m'a, je pourrais dire, qui a presque changé ma vie en fait. Je sais pas, tu l'achètes, ça coûte 5 euros, et en fait pour 5 euros, t'as changé ta vie. Et il y a une telle richesse en fait dans tout ça, j'ai encore du mal à le concevoir. Je pense que c'est un peu inintelligible pour moi. En vrai, je pense que ça coûte pas que 5 euros, puisque ça coûte aussi l'intérêt d'une personne. Parce que si tu n'es pas prêt à le lire, ça ne t'apportera pas. C'est vrai. Autant que ça peut t'apporter dans les meilleures conditions. C'est vrai. Tu marques un point. Mais j'ai un peu, je sais pas, c'est ce côté. En fait, moi, voilà, la plupart des livres que j'ai dans ma bibliothèque ou en mémoire, c'est des livres qui ont vraiment changé mon rapport au monde ou à la littérature ou je sais pas, l'esthétique en général. Et j'ai beau avoir lu peu, je pense, parce que je me considère pas comme un grand lecteur, surtout ces derniers temps, mais même avant, j'ai eu la chance de tomber sur des choses qui vraiment ont façonné un peu qui je suis et comment je vois le monde. Et en fait, je me dis que c'est peut-être pas très grave que j'ai... Enfin, personnellement, je m'en fiche un petit peu de pas avoir lu beaucoup. Parce que bon, je côtoie des gens qui lisent énormément. Ce que je préfère, c'est lire peu, mais que des choses qui me transcendent un petit peu. Et par exemple, quand je cherchais des extraits pour cet épisode, je me suis surpris à relire des trucs que j'avais pas lus depuis 15 ans. Et ça a résonné en moi. Comme si c'était ancré en moi, en fait. Et je pourrais par exemple relire tout ce que j'ai lu jusqu'à présent qui m'a fait cette impression-là. Je pourrais passer les prochaines années juste à relire ça sans problème. Donc c'est un petit peu bizarre. J'ai un peu du mal à me lancer dans des nouvelles œuvres avec tout cet héritage que je porte. En tout cas, la conscience de ça. Ça me freine un petit peu, je pense, dans les nouvelles lectures.